Si. Ah, ok, ouais. 7-8-1-6-0 MNR, Marie Leroy représente. Normal. TS numéro 9. Si. Ok, ouais, écoute ce son. Si, MLR. Pur produit de banlieue, MLR vient des Yvelines. Tu ouvres grand tes yeux, je représente ma ville. Une ville de toxico, Marlichois, les grands fêtards. En groupe ou en solo, toujours opé sur les pétards. De Saint-Ino, Grande-Terre, de Montval jusqu'au Chenil. MLR n'aime pas les stars en uniforme ou en civil. Pour le rap et le reggae, côté face et côté pile. Représente tous nos quartiers, on est la ville de Danakil. Une ville de mecs trop cool, qui aiment quand on se cale. Et même en étant souple, on est loin d'être des pédales. Crois-moi, on est tigeant, mais pas peur pour te fracasse. Inconnu ou dire dirigeants pour les grandes gueules et les pétasses. Chez nous on se connaît, de vue ou en tant que pote. Les meufs de MLR, ça sert à rien qu'avec capote. Un tier card musicos, un carton pour le bédo. Pour les cailles et les bolos, les rastaman et les bézos. 7-8-1-6-0, je représente MLR. Tout ce qui vient de la ville et du parcours grand-père. 7-8-1-6-0 représente notre glace. MLR est dans les temps et MLR est dans les tas. Et aussi le côté sombre, qui est trop à droite pour moi. Un maire dans la pénombre, c'est les ganja smoka. Y'a beaucoup d'UMP et même trop à mon goût. UMP, FNPD, TS dit que c'est pété. Y'a parfois des soirs d'hiver où on galère un peu. Le cul sur un banc, ça fume, ça parle des jours heureux. L'été j'avoue ça pète, mais l'hiver c'est déprimant. Le soir c'est pas la fête et le temps c'est de l'argent. C'est un spécial big up à tous les Marlichois, à tous les Rastaman, à tous ceux qui contestent la loi. J'en place une au poteau, des MLR et environ. Tu te reconnais dans ce morceau, ça vaut bien un pilon. Une direct Saint-Lazare, où tu peux bouger le soir. On va tous au bar, mais faut pas rentrer trop tard. Sinon tu restes kéblo, sur Paname c'est pas la joie. Métro, boulot, dodo, je te dis bienvenue chez moi. 7-8-1-6-0, je représente MLR. Tout ce qui vient de la ville et du parcours grand air. 7-8-1-6-0 représente notre glace. MLR est dans les temps et MLR est dans les phares. 7-8-1-6-0, je représente MLR. Tout ce qui vient de ma ville et du parcours grand air. 7-8-1-6-0 représente notre glace. MLR est dans les temps et MLR est dans les phares. MLR est dans les phares. MLR est dans les temps. MLR vient du 7-8. 7-8-1-6-0, c'est Marley le Royal.